Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Deuxième épisode. Bingo crépuscule. En août 1919, alors que Mathilde était sans nouvelles de Manèche, son fiancé depuis plus de 2 ans, une infirmière lui a écrit. L'un de ses patients, Daniel Esperanza, avait connu Manèche sur le front de la Somme. Elle pensait qu'il pourrait la renseigner. Dans le jardin de l'hôpital de Dax, à l'ombre des grands pins, le sergent Esperanza a commencé à raconter à Mathilde comment, en janvier 1917, il avait été chargé d'emmener 5 soldats condamnés à mort pour mutilation volontaire jusqu'à une tranchée de première ligne. La nuit était tombée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va nous faire ? L'Esquimau était un homme qui ne méritait pas sa malchance. Il se doutait bien, maintenant, qu'on préparait autre chose qu'une exécution. Je peux pas te le dire. Si c'est ce que je crois, c'est dégueulasse. Surtout pour le gamin et le Marseillais. Il vaudrait mieux pour eux en finir tout de suite. Préparez les hommes. C'est l'heure. Je m'en occupe, mon capitaine. Soldats, vous avez été jugés et condamnés par les tribunaux militaires à la peine capitale. Cependant, vous ne serez pas, comme certains de vos camarades, fusillés pour l'exemple. Le haut commandement, dans sa clémence, a décidé que vous seriez relâchés dans la zone de Bingo Crépuscule. Quoi ? Sale fumier de généraux. Vous allez nous jeter en pâture aux boches, c'est ça ? Non, au secours ! Au secours ! Non mais tais-toi, drôle ! Idiot ! Au secours ! Tu comprends pas que votre seule chance d'être encore en vie demain matin, c'est de la boucler. Bleuet n'a pas compris ce qu'on lui signifiait. J'en suis sûr. Il a gardé le même air, béat, de somnambule, qu'il avait depuis le milieu de l'après-midi. Quant à l'Esquimau et cet homme, j'en suis sûr aussi. Ils ont pris la chose comme je l'aurais prise à leur place. Si mince fut-il, on leur accordait un sursis que le peloton ne leur aurait pas laissé. Et toi ? Fais-moi encore tes simagrées, espèce de saligo, je te jure que je te fais sauter ce qui te sert de cervelle. 2 caporaux et 6 soldats sont arrivés de Bingo Crépuscule pour emmener les condamnés. L'un qu'on appelait Gorde avait des cercles de terre autour des yeux qui lui donnaient l'air d'un hibou. L'autre était un tourangeau que j'avais l'impression d'avoir déjà rencontré à la guerre. Caporal Urbain Chardelot. Sergent Daniel Esperanza. J'ai laissé mes pépères au carrefour. Ils n'avaient rien à faire là-bas. Surtout si les choses tournaient mal quand on balancerait tout ce monde dans le bled. Nous nous sommes mis en marche dans la nuit d'hiver, avec une seule lanterne pour toute lumière. Ah ben lui, l'Esquimau, avec les bottes de boche qu'il a aux pieds, quand ils vont s'en apercevoir, son compte est bon. Mais pourquoi croyez-vous que les charognes lui ont laissé après le procès ? Allez, on trouvera bien quelqu'un avec des souliers à sa taille pour faire l'échange. Au moins, j'aurai quelque chose à écrire dans mon rapport de cette nuit. Rien à signaler, sauf qu'on nous a piqué une paire de godasses. Bingo Crépuscule était une tranchée renversée. Ce qui veut dire que nous l'avions prise aux Allemands à l'automne et que nous avions relevé au plus vite les parapets face à eux. J'ignore combien d'hommes vivaient là. Peut-être 100, peut-être 200. Derrière les bosselures de neige crevassées par les bombes, on pouvait voir les pâles lueurs de la ligne ennemie. Il y a combien entre les 2 lignes ? 120 mètres au plus près, 150 au plus loin. Je n'ai jamais vu Bingo Crépuscule en plein jour, mais je peux me le figurer. J'ai connu des tranchées encore plus rapprochées, des enfers que ne séparaient pas 40 mètres. 120, c'est trop pour les grenades à main, trop peu pour l'artillerie. Les gaz n'épargnent personne, c'est selon le vent. Pas plus que nous, les Boches ne devaient tenir à dévoiler l'emplacement de leurs mitrailleuses. Alors j'ai cru comprendre pourquoi on avait amené les condamnés dans ce secteur. Pour le secouer un peu, parce qu'on voyait d'un mauvais œil la trêve qui, vaille que vaille, s'y était installée. Je l'ai dit au capitaine Favourier. Vous pensez trop pour un sergent. Si on nous a collé cette merde sur les bras, c'est que personne n'en voulait ailleurs. Ils l'ont trimballé sur tous les fronts sans trouver un chef de bataillon aussi con que le mien, c'est tout. Mon capitaine. C'est quand vous voulez, mon capitaine. Merci, étranger. Putain de vie. C'est Sissou qui est passé le premier. Deux hommes ont sauté sur le talus relevé de sacs de terre. Deux autres l'ont poussé à monter l'échelle. Avant d'être traîné dans le noir, il s'est tourné vers le capitaine. Merci pour la soupe. Le tour d'après était celui de l'Esquimau. Mon capitaine, laissez-moi aller avec Bluet. Je le protégerai autant que possible. Avec courage, les gars. On a fait monter l'Esquimau et Bluet en même temps. Tandis que l'Esquimau était poussé par ceux d'en bas et tiré par ceux d'en haut, j'ai vu qu'il portait à présent des godillots et des bandes de molletières. Tous deux ont disparu ensemble, entre les barbelés. Comment était Manège quand vous l'avez laissé là sur le talus? Il me semble que, juste avant d'être saisi par les épaules, en haut de l'échelle, il a eu un sursaut, et que ses yeux ont cherché autour de lui, comme s'il essayait de comprendre où il était, ce qu'il faisait là. Et après? Après, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti dans le noir, courbé en avant comme on le lui avait conseillé, en suivant docilement l'Esquimau. Quand est venu le tour de droit commun, il a de nouveau fait les siennes. Au secours! Oh, toi, tu commences sérieusement à me les casser. Non, pas ça. Laissez-moi faire. C'est la seule fois où j'ai entendu sa voix. La voix de cet homme. Il est passé à travers les bras et les jambes des deux biffins qui essayaient de contenir le Marseillais et lui a flanqué un coup sur la tête qu'il a assommé. On a traîné son corps inerte entre les barbelés. Et dis-moi, comment un gars comme toi est-il arrivé là? T'es plus fort et plus calme que la plupart des soldats, pourquoi tu t'es tiré un coup de fusil? Il le fallait. On l'a aidé lui aussi à grimper sur le talus. Et il s'est fondu dans la nuit. Quand les deux soldats d'en haut sont redescendus, on a soufflé un peu. On n'entendait plus un bruit dans la tranchée d'en face. Soudain, des fusées éclairantes ont éclaté dans le ciel de Bingo. Il s'est produit chez les Boches le remue-ménage qu'on avait craint. J'ai eu le temps de voir que le Marseillais rampait désespérément derrière Sissou dans la neige. Ils cherchaient tous les deux un entonnoir où se cacher. Bluet, je ne l'ai pas vu. Ni l'Esquimau, ni cet homme. La terre de personne était illuminée comme un sol lunaire et sans espoir. Trois troncs d'arbres déchiquetés et les briques effondrées de je ne sais quoi étaient tout ce qui émergeait de ce désert blanc. Mais merde, c'est pas du possible! Fermez-la, lieutenant! Et puis tout est redevenu encore plus noir qu'avant. Mais merde! Fermez-la, je vous dis! Après un bon quart d'heure où il ne se passait rien, j'ai pensé qu'il était temps que je rejoigne mes hommes. J'ai demandé au lieutenant de signer ma liste des condamnés, comme l'adjudant des dragons l'avait fait avec moi. Vous pouvez signer ma liste de condamnés en mettant la date et l'heure en haut et à gauche. Bien. Non, étranger, faites pas ça. En aucun cas, les officiers ne doivent signer de papier touchant à cette affaire. Si ça vous fait plaisir, sergent, je vais demander aux deux caporaux qui ont mené l'escorte de vous signer un autographe. Pourquoi faire, je me demande. Mais ça vous regarde. Moi, je m'entorche le cul avec du papier de soie. Ah non, je plaisante. Vous êtes un brave homme, sergent. Je m'en vais vous raccompagner. Gord et Chardolo ont signé ma liste. Et nous sommes repartis, dans la boue et la nuit, jusqu'au carrefour de l'Opéra. Alors, sergent, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vais vous dire, caporal. Pour nous tous, il vaut mieux oublier ce jour. Et plus jamais en parler. Et nous avons marché encore et encore, par Cléry et Flaucourt, jusqu'à Belloin-en-Santerre. J'avais froid, et je pensais aux cinq condamnés couchés dans la neige. Au dernier moment, on leur avait trouvé des morceaux d'étoffe ou de sacs de jute pour se couvrir les oreilles. Et à l'un d'eux, Bluet, je crois, qui n'avait pas de gants à sa main valide, Célestin Pou avait donné l'un des siens. Monsieur Esperanza, voulez-vous remettre tout de suite votre robe de chambre? Il y a des jours où je me demande si vous ne faites pas exprès d'être malade. Voilà, mademoiselle. C'est pour vous. Merci. Vous y trouverez la lettre du commandant avec tous les noms et les 5 lettres des malheureux que j'ai recopiées avant de les donner au premier vague-mestre que j'ai croisé. Merci beaucoup. Il y a aussi une photographie qu'avait prise l'un de mes territoriaux ce jour-là. Un moment où j'avais le dos tourné. C'est sa veuve qui me l'a donnée après sa mort. Il s'appelait Prussien, le pauvre. Allons bon, pourquoi pleurez-vous encore? C'est un grand péché que j'ai commis ce jour-là. Je ne crois en Dieu que quand ça m'arrange, mais je sais que c'était un péché. Jamais, jamais je n'aurais dû obéir aux ordres. Comment s'appelait le commandant qui vous a donné ces ordres? Je peux rien vous dire de plus, désolé. Ce Célestin Pou qui a donné son gant à Manèche, vous savez s'il est toujours vivant? Non. Et vos territoriaux? Et le capitaine qui était à Bingo? Il est mort. Les autres, je ne les ai jamais revus. On a tous été dispersés après ça. Moi, j'ai été muté dans un autre régiment, dans les Vosges, avec le grade de sergent-major. J'ai su que Beaufy avait été tué, lui aussi, 5 mois plus tard. Non pas dans l'Aisne où ça descendait à tour de bras, mais sur un chantier de l'arrière. Un bras de grue défaillant lui est tombé dessus d'un coup. Comme quoi Santini n'avait pas tort de le mettre en garde quand il riait sur le dos de ses malheureux. Vous avez rencontré d'autres personnes de la famille des condamnés avant moi? Personne. C'est de Bleuet que j'avais le plus pitié. Et quand Sœur Marie de la Passion m'a dit que vous faisiez tout votre possible pour l'épouser à titre posthume, j'ai trouvé ça tellement émouvant. C'était tellement beau que... Il y en a un que j'ai revu. Un seul. Chardolo. Chardolo, l'un des 2 caporaux de la place de l'Opéra. C'était dans une gare où l'on m'avait évacué après que j'avais été blessé aux jambes dans la forêt de Villers-Cotterêts. Il gisait sur un des brancards qui était aligné par dizaines le long du quai. Tiens donc. Sergent Espérance. Ah, mon ami. Ah, si j'avais su, j'aurais laissé tout le monde filer dans la campagne. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est donc passé là-bas après mon départ? Oh, des folies. Ils sont tous morts. Les 5 dans le bled. Le lieutenant... Mes camarades, le capitaine aussi, quand on a pris les tranchées d'en face. On est rentré dans du mou, on a sauté sur la première et la seconde position sans perdre un bonhomme. Et quand on est arrivé sur la troisième, ils nous ont tous massacrés. Tu es certain que tous les autres sont morts? Esperanza, monte dans le train ou tu préfères camper ici? Oui, j'arrive! Si les filles m'avaient pas tout piqué, je miserais bien 2 louis avec toi sur Bleu. Il a bâti d'une seule main un bonhomme de neige au milieu du bled. Durant tout le trajet retour jusqu'à Cap-Breton, Mathilde n'a pas prononcé un mot. Une fois rentrée à la villa, elle s'est enfermée dans sa chambre sans dîner. Le phonographe a tourné toute la nuit. Mathilde est née aux premières lueurs du XXe siècle, le 1er janvier 1900 à 5h du matin, ce qui était très commode pour calculer son âge. À 3 ans, 5 mois et 10 jours, échappant à la surveillance de sa mère, qui s'en est toujours voulu d'avoir engagé une dispute mesquine avec une voisine de palier à propos d'un chat qui faisait pipi sur le paillasson, Mathilde est montée tout en haut d'un escabeau de 5 marches. Elle est tombée. Par la suite, elle a expliqué qu'elle avait souhaité voler, comme dans ses rêves. Elle n'a plus jamais marché. Tous les remèdes possibles et imaginables ont été tentés, y compris les bains de boue, les bouillons de trèfle à quatre feuilles, et même le recours à un hypnotiseur, rien n'y a fait. Alors Mathilde, qui a toujours été très orgueilleuse, s'est arrangée du mieux qu'elle pouvait avec elle-même. Le petit coin s'est fait pour être tout seul. Alors personne vient avec moi. À l'âge de 12 ans, après un séjour infructueux à l'hôpital de Zurich, elle a décidé de vivre définitivement à Cap-Breton, dans la villa de vacances de ses parents qui, eux, devaient rester la plupart du temps à Paris pour les affaires de M. Donnet. J'avais déjà l'habitude de m'occuper d'elle depuis qu'elle était toute petite. Sa présence à la villa a dès lors enchanté chacun de mes jours. Mathilde avait 10 ans et demi quand elle a rencontré Manèche. C'était en juin 1910. Lui en avait à peine 13. Il revenait de l'école en culotte courte et tricot de marin avec son cartable sur le dos. Il s'est arrêté devant la grille qui entourait le jardin. Mathilde était assise dans sa trottinette, de l'autre côté. Salut. Salut. Tu peux pas marcher? T'as des amis? Pas trop. Moi, je peux être ton amie si tu veux. Bon, ben, je m'en vais alors. Parce que je suis costaud, tu sais. Je pourrais te balader sur mon dos. Je pourrais même t'apprendre à nager. C'est pas vrai. Comment tu ferais d'abord? Ben, je fabriquerais des flotteurs pour tenir tes pieds en haut. Pff, ça marchera jamais. Je vais pêcher avec mon père le dimanche. Je pourrais te ramener un poisson. T'aimes le merlu? Non. Et le bar? Non. Et les pattes de crabe? On en ramène plein dans les filets. Pas où tu vas? Hé, la parisienne! Je sens trop la poiscaille pour toi, c'est ça? Dis donc, gamin! Tu veux que je te botte le cul, moi? Il est revenu le lendemain, à la même heure. Mathilde l'attendait, non loin de la grille. T'as un chien? Non, mais j'ai 3 chats. Camembert, Espelette et Don José. Moi, mon chien, il s'appelle Kiki. Et j'ai plein d'amis à Osgore. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Je sais pas. J'ai jamais eu d'amis-filles. Tu connais Paris? Oh non, même Bordeaux, je suis jamais allée. La plus grande ville que je connais, c'est Bayonne. C'est vrai que tu saurais m'apprendre à nager? Si je te le dis. Après les révélations d'Espéranza, le premier souci de Mathilde a été de se renseigner auprès de tous les hôpitaux militaires ou civils. Parmi les soldats non identifiés par leur famille après l'armistice, ou non réclamés, ceux qui avaient perdu la raison ou la mémoire étaient plus de 30. D'environ l'âge de Manèche, ils étaient une dizaine. De cette dizaine, qui avaient les cheveux bruns, 7. De ces 7, qui avaient les yeux bleus, 3. De ces 3, aucun n'était amputé d'une main ou d'un bras. Il a peut-être été fait prisonnier et recueilli après la guerre par des gens compatissants en Allemagne. Peut-être. Ou alors, si ça se trouve, il a peur de se montrer dans cet état. Et s'il avait trouvé refuge quelque part, après avoir erré des jours et des jours sur la route, dans le froid et la faim? Où aurait-il trouvé refuge? Bien... chez une autre Mathilde. Mathilde, arrête de te torturer l'esprit. Et ne reste pas le nez collé à cette photo. Tu vas finir par t'esquinter les yeux à force. Mais il faut que je comprenne. Comprendre quoi? Le sergent Esperanza ne t'a-t-il pas tout dit? Non, justement. Il n'a pas dit l'essentiel. Ce qui s'est passé là-bas à Bingo Crépuscule, une fois que les 5 soldats ont disparu derrière les barbelés. Et tu crois que la réponse se trouve dans cette photographie? Qui sait? La photographie contenue dans le paquet d'Esperanza, de format carte postale, ressemblait à celle qu'on pouvait voir dans l'illustration ou le miroir. Il y avait 7 hommes en tout sur l'affiche. 5 assis, la tête nue et les bras dans le dos. Un debout sous son casque, avec un brassard à la manche, l'air plutôt fier de lui. Et un dernier en profil perdu, à l'avant-plan, qui fumait sa pipe. Manesh était un peu à l'écart, sur la gauche. Il regardait dans le vague. À quoi il pensait, à ton avis? À toi, tu le sais bien. Ce sourire. Je ne l'ai jamais vu sourire comme ça. Montre. Manesh était sale. Ils étaient tous sales. Leurs vêtements étaient informes et couverts de terre. Mais ce qui était le plus étrange, c'était leurs yeux. Des yeux fixes et étonnamment brillants. Tu crois que la proximité de la mort donne une lucidité particulière? Si c'était le cas, tous les hommes seraient des sages. Au-dessus de chaque tête, d'une encre devenue grise, était noté un chiffre. Chacun de ces chiffres correspondait à un nom inscrit au dos de la carte, sauf que l'homme à la pipe n'avait droit qu'à un point d'interrogation. Celui qui posait à côté des condamnés, le sourire aux lèvres, était le caporal Beaufy. Qui c'est ce Beaufy? L'un des territoriaux qui ont escorté les condamnés avec Esperanza. On sait ce qu'il est devenu? Mort, lui aussi. Cette guerre, quelle saloperie. Sauf que lui, il n'a pas été tué au combat, mais écrabouillé par une grue alors qu'il feuilletait tranquillement un almanach Vermont. La mort, c'est toujours la mort. Ton père a téléphoné ce matin. Il a pris contact avec un chirurgien new-yorkais, un professeur réputé. Il paraît qu'il a déjà pu rendre à 3 personnes une partie de leur mouvement. Mathilde, tu m'écoutes? Quoi? Oh, excuse-moi Sylvain. Tu disais? Tes parents veulent que tu ailles à New York pour te faire opérer. Eh ben voyons. Encore une lubie de maman, je suppose. Cela fait des années qu'elle rêve de traverser l'Atlantique en paquebot. Allons, Mathilde, tu ne peux pas parler comme ça de ta mère. Si tu savais comment... Sylvain, il faut que tu m'aides. Même si je ne dois plus revoir Manesh, je veux savoir dans quelles circonstances il a disparu. Ce dimanche de neige, entre les 2 tranchées ennemies, c'est maintenant tout ce qui compte pour moi. Le reste, je m'en accommode. Ce n'est pas très important. Mathilde. Alors, tu m'aideras? Ai-je déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, refusé de le faire? C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. Adaptation, Catel Guillou. Deuxième épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, François Sienner, Daniel Esperanza, Nicky Marbeau, L'Esquimau, Kléber Bouquet, Franck Laurin, Sissou, Francis Guignard, Florent Houlier, Cet homme, Benoît Notre-Dame, Félicien Jutner, Droit commun, Ange Bassignano, Clément Laguarde, Manèche, Nicolas Gonzalez, le caporal Urbain Chardolo, Bertrand Suarez-Pazos, le capitaine Favourier, Benoît Marchand, le lieutenant Estrangin, Juliette Croizat, Sœur Marie de la Passion, Régis Chaussard, le caporal Beaufy, Agathe Le Bourdonnec, Mathilde Enfant, Sophie Froissart, Manèche Enfant, Philippe Weissert, Johannes Hamm, Pierre-Marie Schneider, les soldats allemands, et bien d'autres. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.